بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في كتاب الفقه في باب الصلاح. Toujours dans le livre de la jurisprudence, dans ce qui se rapporte à la salat. يقول المؤلف رحمه الله تعالى أن ندخل اليوم أفراد نسيت في الدرس الثاني عشر بعد المئة 112 leçon. في السؤال التاسع والسبعين بعد المئة 879 question. ما هي أفضل الصفوف للرجال؟ Quels sont les meilleurs rangs pour les hommes, c'est-à-dire dans la salat en groupe. Ce sont les premiers. Premier rang. Wafis Soual Samanin Bar Samanamiya, 880e question. Maya Afdal Soufouf et Nissa, quels sont les meilleurs pour la femme? Ce sont les derniers. Et le dalil de ces deux mas'alas, c'est le hadith d'Abu Huraira, radiallahu anhu, quand le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, khayr soufouf et rijal, awwaluha, wa sharruha, akhiruha. Wa khayr soufouf et Nissa, akhiruha, wa sharruha, awwaluha. Que les meilleurs des rangs pour les hommes, ce sont les premiers, et les pires sont les derniers. Et les meilleurs des rangs pour les femmes sont les derniers, et les pires sont les premiers. Apporté par Muslim. Dans quel sens que la salat au premier rang, c'est une chose qui incite à venir tôt au masjid. En premier lieu. Et la récompense, les ahadiths sur le mérite de ces rangs-là, sont très nombreux. Et le dernier rang sont les pires, dans le fait que souvent les gens qui sont au dernier rang sont qui arrivent en dernier. Alors qu'à la salat, il faut venir tôt, autant que possible. Pour avoir le takbirat et l'ihram avec l'imam, c'est une chose qui est obligatoire. Faire le takbir avec l'imam, dès le début, est une chose qui est obligatoire. À la base. Dame. Et pour les femmes, le pire, c'est le premier, car cela efface qu'elles sont plus proches des hommes. Et là, c'est parmi les Adila, justement, qui montre également l'interdiction de la mixité. Que même dans le lieu où les gens sont le plus pieux, le plus craintif, et qui sont rappelés le plus dans l'Azawajel, sont dans ces maisons, dans ces bouyoutes, au moment de la salat. Et pourtant, à ce moment-là, on sépare encore plus les hommes des femmes. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de mur de séparation. Et quand même, il y aurait un mur et une séparation, le hadith, il reste quand même applicable que la femme, même si elle vit au masjid, et qu'elle est derrière les hommes, c'est-à-dire la partie des femmes derrière les hommes, plus elle est loin des hommes, et mieux cela est pour elle. Car plus elle est près des hommes, et plus elle peut être une cause de fitna, de tentation. Malgré tout. Car l'homme, même s'il ne la voit pas, il sait qu'elle est là. Et cela peut suffire à le perturber. Et elle, pareil. Voilà le musta'an. Et quoi qu'il en soit, le meilleur endroit pour la salat des femmes, c'est dans sa maison. Yaqul fi su'al الواحد وثمانين بعد ثمانمية 880 question. ما أجر من وصل صفا؟ Quelle est la récompense de celui qui aura comblé un rang, qui aura rendu ce rang yani complet, sans coupure. يقول من وصل صفا وصله الله. Celui qui aura fait cela, Allah lui accordera la même chose. Celui qui aura complété un rang, Allah le complétera, dans le sens. Et le dalil, c'est le hadith de Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, an Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'allait man wassala soffan, wassalahu Allah. Wa man kata'a soffan, kata'ahu Allah, azza wa jal. Que celui qui aura complété et fait continuer un rang, Allah le complétera, et le fera continuer. Et celui qui aura coupé un rang, Allah azza wa jal le coupera également. Apporté par un Nasa'i et authentifié par l'Albani. Et parmi les choses que beaucoup de gens font comme erreur, qui amène à couper le rang et qui craint, qui amène à ce qu'on craigne pour eux de l'entendre dans ce hadith, c'est de ramener des enfants qui ne savent pas faire la salat et qui les mettent dans les rangs avec les adultes. Ils ramènent des enfants, leurs enfants, au masjid, ce qui est une bonne chose à la base, si l'enfant il n'est pas turbulent, qu'il n'est pas de ceux qui dérangent. Quoi qu'il en soit, pour qu'il se mette dans les rangs avec les autres, il faut que cet enfant sache faire ses ablutions et sache faire la salat. Dans quel sens? Qu'il sache accomplir les piliers et suivre avec l'imam. Sans quoi, l'enfant, s'il ne sait pas faire cela, qu'il se retourne, qu'il joue, les gens sont prosternés, lui est debout, les gens sont debout, ils se prosternent, rien les cas. Cet enfant-là, il ne faut pas le mettre dans le rang, et il faut le mettre ailleurs. Et celui qui fait cela, qui a été conseillé, on lui a dit que, par exemple, ton fils, il est trop petit, ne met pas dans la salate, dans les rangs que le moussolien, car il coupe les rangs par sa présence, et que les gens continuent quand même, car certains s'obstinent malheureusement, ne veulent pas écouter les conseils qu'on leur donne, disent c'est pas grave, c'est qu'un enfant. On dit c'est qu'un enfant, mais ton enfant, sa présence est comme celle d'une chaise, par exemple. Car il n'est pas compté comme parmi les moussolien. Donc il coupe le rang, sans besoin. Si la personne s'entête et s'obstine à ne pas accepter, on craint pour elle de ne rentrer dans ce hadith. Que Allah le coupe. Voilà le musta'an. ثم قال في سورة الثاني وثمانين بعد ثمانمية 880 question. من الذي يأم الناس qui est celui qui préside la salat. قال في الجواب أقرأهم لكتاب الله celui qui connaît le plus de Coran. Comme dans le hadith d'Abul Mas'ud al-Ansari رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله que celui qui préside la salat, celui qui connaît le plus de Coran. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. Et si les deux ont autant de lecture, par exemple deux hommes viennent, ils ont autant de lecture, ils sont du même niveau, alors celui qui connaît mieux la sunna, c'est-à-dire le plus savant des deux. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. Et que si jamais dans la sunna ils sont à un niveau égal, alors celui qui a fait la hijra en premier. Regardez encore parmi le fait de la hijra, que celui qui l'a fait en premier mérite d'être imam s'il connaît plus de Coran que les autres et plus de sunna que les autres. وإن كانوا في هجرة سواء فأقدمهم سلما. Et si même dans la hijra ils sont égaux, alors celui qui entre en islam en premier. Et في رواية سنان, celui qui est plus âgé. Celui qui est le plus âgé. Donc même demain un enfant vient connaît mieux le Coran que tout le monde. D'accord? Comme ce fut le cas de certains sahaba, on le met en avant pour qu'il soit imam. On parle d'un enfant maintenant qui est mumayyiz, qui est aqil, bien évidemment. Pas un enfant qui connaît le Coran, mais qui ne sait rien faire. Car tes enfants, ils mémorisent, mais ils ne savent pas comment faire. Là, on parle d'un enfant qui connaît bien le Coran et qui connaît les règles de l'imam. C'est-à-dire, si c'est trop, il sait comment faire. S'il a mis une erreur, il sait comment rattraper. Et les alikas, c'est pas seulement il lit. D'accord? Il a du fiqh. Il sait comment présider une salate, bien évidemment. L'enfant peut être mis en tant qu'imam. Il n'y a pas de souci par rapport à cela. ثم قال في السؤال الثالث وثمانمية 883 question. هل يجوز أن يأم أن تأم المرأة الرجال؟ Est-ce qu'il est permis que la femme préside les hommes pour la salat? Cela n'est pas permis. Cela n'est pas permis dans l'absolu. Dans l'absolu. Et le dalil, c'est le hadith de Abi Bakr radi anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. Que un peuple qui a mis sa femme, qui a mis la femme, on va dire, à gérer leur affaire, c'est-à-dire dans tous les domaines, ne réussira jamais. Que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans même dans le foyer, que ce soit dans la salate, que ce soit dans l'imara fil safar, que ce soit l'émir dans safar, la femme n'a pas autorité sur l'homme. Ce ne serait-ce que, hormis peut-être la mère sur le fils, et quand même la mère a autorité sur le fils, la mère ne pourra pas être imam et le fils ma'moum, par exemple. Ou elle ne pourra pas être l'émir du voyage. Elle aura autorité sur son fils de façon générale, mais dans les règles de religion, son fils sera mis lui comme étant le dirigeant des autres. Wa'akada. Donc l'imam pour la femme est une chose qui est interdite dans l'absolu avec les hommes. Maintenant, si elles sont entre elles, l'une d'entre elles fait l'imam, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et si à la maison même 10 et qu'il n'y a un seul homme, c'est lui qui fait l'imam obligatoirement. Même s'ils connaissent le Coran plus que lui, qu'elles connaissent la sunna mieux que lui, mais elles ont fait l'hijra avant lui, elles sont converties avant lui, cela ne rentre pas dedans. Bien mettre les choses à leur place. La femme ne peut être imam pour un homme dans l'absolu. ثم قال في السؤال الرابع والثمانين بعد ثمانمية 884 question. ماذا يقول إذا سمع رجلا ينشر دالة في المسجد. Maintenant, comment doit-on agir sur une personne qui recherche quelque chose qu'il aurait perdu dans le masjid? C'est-à-dire, j'ai perdu mon stylo, Est-ce que vous l'avez trouvé? J'ai perdu telle chose. Est-ce que vous l'avez trouvé? Est-ce que vous l'avez vu? Il annonce une chose qu'il a perdue. Qu'est-ce qu'on lui répond? Nakoul, la raddaha Allahu alayka, qu'Allah ne te le rende pas. Que Allah ne te le rende pas. A Nabi Oreira, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقول لا رضاه الله عليك فإن المساجد لن تبنى لهذا. Que celui qui entend un homme qui fait une annonce d'une chose qu'il aura perdue pour la retrouver dans le masjid, qu'on invoque que Allah ne lui rende pas cette chose-là. Que Allah ne te la rende pas cette chose-là. Car les messagers n'ont pas été construits pour cela, apportés par musulmans. Donc maintenant on dit bien c'est quelqu'un qui fait l'annonce. Maintenant, quelqu'un qui cherche quelque chose, par exemple, je sais pas, tu vois ton frère, il se tapote les poches comme s'il avait perdu quelque chose, tu lui dis, Harry, tu as perdu quelque chose, tu dis, oui, j'ai perdu mon stylo, par exemple. Tu dis, comment il est, telle chose. Et après, problème, là, il n'a pas fait d'annonce, c'est toi qui lui as demandé, il t'a répondu. Mais quelqu'un qui vient, qui demande aux gens telle et telle chose, il rentre dedans. Ou alors, qui fait des annonces, des choses perdues, même à l'extérieur du masjid, et qui demande aux gens, est-ce que vous n'avez pas vu telle échelle, telle chose, ou telle et telle chose. Non. ثم قال في السؤال الخامس وثمانين وبعد ثمانمية question. أين يصلي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا؟ Où est-ce que celui qui a mangé de l'ail ou de l'oignon ou un poireau doit faire la salat? قال يصلي في بيته لا يقرب المسجد. Lui fait la salat chez lui, il ne s'approche pas du masjid. Comme dans le hadith de Jabir ibn Abdullah, قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا que celui qui a mangé de l'ail ou de l'oignon, qu'il nous évite, qu'il s'isole de nous, et qu'il s'isole de notre masjid, et qu'il reste chez lui, apporté par Bukhari. Donc maintenant, cela ne veut pas dire qu'il ne fait pas la salat. Il l'a fait quand même. D'accord, il accomplit quand même. Cependant, son odeur, l'odeur qui va dégager de lui, va déranger les gens. Donc de là, il ne s'approche pas de la salate. Il ne s'approche pas du masjid pour ne pas être une source de perturbation pour les autres par l'odeur qui dégagerait de sa bouche. Maintenant, cela ne veut pas dire que manger de l'ail ou de l'oignon, c'est interdit. Non, ce qui est interdit, c'est d'en avoir mangé d'aller au masjid. Celui qui en a mangé, reste chez lui. Le hadith dit bien qu'il reste chez lui. Il ne dit pas qu'il n'en mange pas. Car les gens ont compris que cela n'est pas permis. Tu as le droit d'en manger. Mais tu ne viens pas au masjid. Par contre, ce qui est interdit, c'est de faire exprès d'en manger pour ne pas laisser ton jamara. Volontairement. Ça, c'est pas permis. Maintenant, tu as mangé, tu es invité quelque part, il y a eu un plat, ou ta femme, elle a oublié, ça peut arriver, elle a mis de l'oignon et qui n'a pas été. Elle a mis de l'oignon, de l'ail cru, et faire de la salade, et tu as faim, mange. Ne te l'interdis pas. Mais c'est ce qui a permis, ce qui est interdit, c'est de le faire volontairement. Innam al-amal bin niyat. Que les actes ne valent que par les intentions. Par contre, cette interdiction n'est plus valable si jamais ces oignons, ou cette ail, ou ces poireaux sont cuits. D'accord ? Comme dans le hadith, c'est venu. Parce qu'en les cuisant, cela tue l'odeur qui se dégage de ces aliments-là. Donc il peut en manger, aller faire la salade au masjid dans Jamara. Mais s'il en mange cru, cela n'est plus permis pour lui, jusqu'à ce que l'odeur se dissipe. Parmi les choses qui aident à dissiper cette odeur-là, les ulama disent qu'il y a par exemple le miel ou manger du persil, d'accord, cru bien évidemment, boire de l'eau. Car l'odeur dégage de l'estomac, elle ne vient pas de la bouche. Tu auras beau te brosser les dents, ça n'enverra pas l'odeur. L'odeur vient de l'intérieur. Wa kada. Tayyib. On s'arrête ici aujourd'hui. Walhamdulillah.